c'est moi, ça va ou quoi? Eh, Dimat, ça va et toi? Ça va, tranquille. Dis-moi, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je suis avec mes copines. Tu sais quoi? Annule tous tes plans. Ah bon? Ouais, j'ai prévu quelque chose pour toi, ça va bien se passer. Ce soir, je te promets un truc mortel. Oublie toutes tes copines, j'ai tout prévu pour toi, ma belle. On commence par le dîner aux chandelles. Je veux que tu sois la plus sexy dans ta robe, la plus beau, t'es plus beau dessous en dentelle. Ouais, ouais. Dans tes pieds, je veux voir tes loups-bous. Je veux que tu me donnes des frissons jusqu'au cou. Ouais, ouais. Ce soir c'est la bonne et je sais qu'on ira jusqu'au bout. Laisse-moi t'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller, je vais m'agripper à ton dos. Ce soir t'es à moi, aïe aïe aïe aïe aïe. T'es pas juste à bail, aïe aïe aïe aïe. J'ai dit laisse-moi t'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller, je vais m'agripper à ton dos. J'imagine comment je vais procéder. Vu l'adrénaline, tu pourras que céder. Mais t'hésites car tu connais mon CV. Et pour t'apaiser, je mettrai mon CD. Donc je commence à t'embrasser tout doucement. Vu la taille de ton fessier, mais faudra y aller doucement. Et quitte à foutre le bordel dans l'appartement. Ils disent tous que t'es pas fraîche, mais tous tes potes te mentent. Je te ferai des papouilles jusqu'à ce que tu gémisses dans mon oreille. Et t'oublieras tout ce que t'as fait la veille. Je continuerai jusqu'au moment où tu me dises. Dis-moi, j'en peux plus, s'il te plaît, arrête. Pour toi c'est mort, les taux se resserrent. T'en foutrais plus encore, t'inquiète, j'en fais mon affaire. Pour toi c'est mort, les taux se resserrent. T'en foudrais plus encore, t'inquiète, j'en fais laisse-moi mon affaire. Laisse-moi t'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller, je vais m'agripper à ton dos. Ce soir t'es à moi, aïe aïe aïe aïe aïe. T'es pas juste à bail, aïe aïe. Laisse-moi t'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller, je vais m'agripper à ton dos. Ce soir t'es à moi, aïe aïe aïe aïe aïe. T'es pas juste à bail, aïe aïe aïe aïe. Tu finis par déposer les armes, yeah. J'irai tranquillement pour te déshabiller. T'avoir pour moi tout seul, ouais, je suis content. Il nous reste plus beaucoup de temps dans le sablier. Et là tu commences à me toucher, on finit par coucher. Si t'as un peu chaud, t'inquiète, on ira sous la douche. Tu trouveras ça peut-être un peu louche. J'ai tellement d'idées pour toi que tu restes. Laisse-moi bouche. T'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller, je vais m'agripper à ton dos. Ce soir t'es à moi, aïe aïe aïe aïe aïe. T'es pas juste à bail, aïe aïe aïe aïe. J'ai dit laisse-moi t'emballer, t'es le plus beau des cadeaux. Tu pourras plus t'en aller.